507e régiment de parade peau. Avant dissolution de l'unité. Une dernière fois. Hop, t'es 507e, mes frères d'armes, a sonné l'heure de la retraite. 507e, mes frères d'armes, a sonné l'heure de la retraite. Plus de guéguerre, plus de faits d'armes, on pousse la chansonnette. Plus de guéguerre, plus de faits d'armes, on pousse la chansonnette. 507e, carpe diem, maintenant c'est le lyrique. Plus de baston, plus de shrapnel, mais un cœur polyphonique. On a rangé nos baïonnettes, nos M16 à la remise. On a rangé nos baïonnettes, nos M16 à la remise. On n'utile plus à la serpette, et ce sont nos voix qu'on aiguise. On n'utile plus à la serpette, et ce sont nos voix qu'on aiguise. 507e carpe diem, maintenant c'est le lyrique. Plus de baston, plus de shrapnel, mais un cœur polyphonique. Fini les commandos furieux où l'on violait les gazelles. Fini les commandos furieux où l'on violait les gazelles. Et fini les chants belliqueux, chantons de jolies ritournelles. Et fini les chants belliqueux, chantons de jolies ritournelles. 507e carpe diem, maintenant c'est le lyrique. Plus de baston, plus de shrapnel, mais un cœur polyphonique. 507e, mes frères d'armes, a sonné l'heure de la retraite. 507e, mes frères d'armes, a sonné l'heure de la retraite. Plus de guéguerre, plus de faits d'armes, on pousse la chansonnette. Plus de guéguerre, plus de faits d'armes, on pousse la chansonnette. 507e, carpe diem, maintenant c'est le lyrique. Plus de baston, plus de shrapnel, mais un cœur polyphonique. 507e, carpe diem, maintenant c'est le lyrique. Plus de baston, plus de shrapnel, mais un cœur polyphonique. Je vous oublierai jamais. Jamais.